Will Sinclair, dimanche, il va se passer quoi pour lui ensuite ? Eh bien ensuite, pour lui, ce sera toute une préparation jusqu'au concours national, donc qui aura lieu l'année prochaine. Donc on ne connaît pas encore la date ni le lieu, mais pour lui, donc tournage vidéo, shooting photo, présentation officielle dans des événements ou dans les médias. Ça va vraiment être un marathon pour lui de préparation. Et après, ça ouvre des portes sur plein de choses, le mannequinat entre autres, j'imagine. Bien sûr. Alors c'est pas forcément le but premier, mais en général, les candidats sont contactés par des agences ou des marques qui veulent travailler avec eux. Et c'est quand même un bon levier pour eux s'ils veulent vraiment se lancer là-dedans. Mais dans un premier temps, c'est vraiment être ambassadeur de sa région et représenter sa région le plus loin possible. Merci beaucoup Mathilde Resbeu, chargée de mission de modèle élégance organisation et bon casting régional pour ce modèle élégance Normandie dimanche prochain à Ville-Saint-Clair. Merci à vous. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Toute l'actualité du Stade Malherbe de Caen. Ça fait partie du football, l'image est très importante. Quand on est dans des séries où il y a des mauvais résultats, l'attitude et le comportement est toujours épié par tout le monde. Le débrief du dernier match avec vos questions et analyses. Pour moi, ils auraient dû prendre un défenseur au Mercato au lieu d'avoir rapatrié Mbappé. Allô Malherbe. Ce lundi, entre 18h et 19h, sur France Bleu Normandie. Et à réécouter à volonté sur francebleu.fr. Spectacle. Du théâtre à l'ouest de Caen. À vivre avec France Bleu Normandie. La radio partenaire. Et en cas d'urgence, ne les appelez pas. Ils s'appellent Néné et Bichoco. Et ces deux attachants personnages décident de mettre toute leur incompétence au service des urgences pour intégrer le bal des pompiers. Une nouvelle comédie hilarante à partager au théâtre à l'ouest. Vendredi à 19h30 et puis samedi à 19h. Renseignements sur théâtrealouest.com. Venez enivrer vos papilles à la fête de la coquille et des produits de la mer de Ouistreham Rivabella. Marché aux poissons, produits du terroir, dégustation, l'occasion d'acheter des Saint-Jacques sur les étals des pêcheurs et vous pourrez participer à des ateliers culinaires, visiter le phare centenaire ou déambuler au rythme de concert. Samedi 21 et dimanche 22 octobre. Le 16-19, France Bleu Normandie. Rodolphe Baudry. Just for fun, those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure.

mais ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber sur les lames de ton plancher. C'est toujours le même film qui passe. De l'autre côté du pôle, dis-toi surtout qu'il ne reviendra pas. Et ça te fait marrer les oiseaux qui s'envolent. Les oiseaux qui s'envolent. Les oiseaux qui s'envolent. Tu comptes les chances qu'il te reste. Un peu de son parfum sur ta veste. Tu avais dû confondre les lumières. D'une étoile et d'un réverbère. Mais ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Y'a des couples qui se défont sur les larmes de ton plafond. C'est toujours le même film. En 1985, sur son album Photo de voyage, Francis Cabrel, encore et encore, sur France Bleu, 16h36. L'heure de partager sur France Bleu Normandie. Si vous organisez des manifestations, des animations près de chez vous, bah faites-le savoir sur France Bleu. Et notamment dans le Calvados, il y a un concours de belote qui se prépare à Jouer-Mondet. Bonjour Marie-Claire Jeanne. Alors, ce concours aura lieu mardi prochain à 14h à la salle du Trait d'Union de Jouer-Mondet. Est-ce que vous jouez vous-même à la belote un peu, Marie-Claire ? Alors, moi, je joue, mais je ne joue pas cette journée-là, puisque je fais le bar et je participe à la vente des crêpes, des gâteaux. Ah, vous êtes à l'organisation, quoi. Voilà. Effectivement. En tout cas, ce type de concours, c'est fait aussi pour créer du lien, pour se rencontrer dans un autre lieu qu'à la maison ou ailleurs, quoi. Tout à fait, oui. C'est le club qui organise et les bénéfices permettent aussi à participer à un voyage, un repas. On se met bien, je vais demander quand même. Hein. Ben, on est quand même quatre communes. Ah d'accord, donc vous réunissez et... Voilà, on est quatre communes et on se réunit tous les 15 jours dans quatre salles différentes. D'accord, et généralement quand il y a un concours de belote comme ça, concours de belote, c'est fait toujours à Jouer-Mondet. Ouais, ce sont toujours des joueurs, parce que ça se joue à deux la belote, hein, de la même commune qui affrontent ceux d'une autre commune. Voilà, quoi. Ben, les gens viennent de partout, enfin... Ouais. On invite le plus de gens possible à venir. Alors, on va pouvoir jouer mardi prochain à 14h lors de ce concours de belote. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire ? Comment on fait ? Dites-nous tout. Alors, on vient à partir de 13h30. Il n'y a pas d'inscription avant, on vient à 13h30 et on s'inscrit à ce moment-là. Et est-ce qu'on vient avec son jeu de cartes ou ils sont fournis ? Parce que c'est important. Alors, le jeu de cartes est fourni, tout est fourni, oui. Les tapis, tout ce qu'il faut, quoi, tout impeccable. Tout est fourni, tout est préparé et voilà. Ils ne font plus qu'un tir au sort et on s'installe pour jouer à la belote. Et qu'est-ce qu'on gagne ? Parce que c'est un concours, mine de rien. Alors, on gagne le premier prix, c'est un jambon. Ah ouais ?

Simon Alouane. Circuit bleu. Côté jeu. Avec la boîte à son. Bah, la boîte à meux, j'en ai pas forcément besoin parce que moi j'ai des vrais meux donc. Moi je veux bien Sonia. Mais est-ce que vous êtes capable de retourner une de vos meux pour qu'elle fasse meux? Non, c'est vrai que non. Ah. De beaux cadeaux et de la bonne humeur. Vous avez entendu une note non, non, non et non. Hein. Tout à fait. Bah, moi j'espère que vous allez me dire oui, oui, oui, oui, oui. La boîte à son. Venez tenter votre chance. Du lundi au vendredi. Entre 11h et midi. Radio partenaire. La radio partenaire. C'est France Bleu. De la Transat Jacques Vabre qui s'élancera de la Seine-Maritime du Havre le 29 octobre prochain pour la 16e édition. Plateau record en termes de bateaux présents, une course transatlantique en duo qui fêtera également ses 30 ans d'existence. La Transat Jacques Vabre, c'est à vivre sur France Bleu avec des émissions en direct les 21, 22 et 28 octobre et puis une émission spéciale pour le grand départ en direct du Havre le 29 octobre à midi. Renseignements sur francebleu.fr. Du 19 au 22 octobre, ne manquez pas l'expo Camping-Car Normand. Découvrez les nouveautés 2024 et nos prêts à partir. Camping-Car, van et fourgons aménagés, neufs et d'occasion. Rendez-vous au parc des expos de Caen. Plus d'infos sur dg8campingcar.com. Venez enivrer vos papilles à la fête de la coquille et des produits de la mer de Ouistreham Rivabella. Marché aux poissons, produits du terroir, dégustation, l'occasion d'acheter des Saint-Jacques sur les étals des pêcheurs et vous pourrez participer à des ateliers culinaires, visiter le phare centenaire ou déambuler au rythme de concerts. Samedi 21 et dimanche 22 octobre. Le 16-19, France Bleu Normandie. Rodolphe Baudry. Bon, 16h50, vous l'avez remarqué, l'automne est là, il pleut dehors, mais qu'est-ce qu'on est bien à la maison, peut-être avec un bon feu de cheminée, un bon fauteuil et un bon livre. Vous avez la cheminée, vous avez le fauteuil, vous n'avez pas encore le livre. Bah, rassurez-vous, France Bleu s'en occupe. Et c'est pas n'importe quel livre que je vous offre, parce que c'est le dernier roman de Christian Jacques, Ramsès III, le dernier des géants chez XO Éditions. L'auteur qui a quand même vendu 27 millions de livres à travers le monde, il a été traduit dans 29 langues. C'est vraiment le spécialiste de l'Égypte ancienne. Et avec ce livre, il fait revivre le dernier grand pharaon, Ramsès III. Et pour remporter ce livre de Christian Jacques, voici la question. À quel dieu égyptien Christian Jacques a-t-il dédié un cycle de romans? Est-ce qu'il a dédié un cycle de romans à Osiris ou à Horus? 02 31 44 48 44. Vous avez le temps de vérifier dans la bibliothèque si vous l'avez par hasard. Et on joue dans un instant, juste après un extrait de son dernier album qui s'appelle Panorama. Voici Christophe Willem, je tourne en rond. Parti cœur au bois dormant, le sourire entre les dents, mon silence radio, souvenir fluo. Que reste-t-il maintenant? Kimono et bras ballants. Seulement quelques mots à te dire tout haut. Je tourne en rond sans toi. J'oublie mon rôle sans toi. Et je ferme les yeux autant que possible pour te revoir auprès de moi. Parti cheveux en bataille. Faut voir comment je déraille. Comment je perds mon sang, froid en un instant. Dis-moi autour de mes failles, comme une ceinture de samouraï. Et moi qui cède sûrement à l'appel du vent. Autant que C'était Christophe Willem, 16h53. L'heure de jouer ensemble dans le Calvados aux portes de Caen à Débouville avec Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Rodolphe, bonjour. Bon, est-ce que la lecture... Est-ce que vous m'entendez bien? Mais je vous entends super bien Frédéric. Bon, très bien. Est-ce que la lecture fait partie de vos hobbies, de vos loisirs? Absolument. En général, c'est un livre par semaine. Ah bah oui, alors faut des munitions là, attention. Hein. Voilà, exactement. Faut nourrir la bête. Exactement. J'adore Christian Zoc. Bon, vous avez déjà pas mal de romans de lui, j'imagine. Ouais. Mais le dernier, Ramsès... Ouais, ah, on y vient. Je vais découvrir. Ouais, dont le dernier, vous l'avez pas encore, Ramsès III, les derniers non. des géants. Non. Chez Exo Édition, on va vous l'offrir, Frédéric, parce que vous avez bien répondu à cette question. À quel dieu égyptien Christian Jacques a-t-il dédié un cycle de romans? C'est Osiris, c'est les mystères d'Osiris. Effectivement, il y en avait 4-5 romans voilà. à peu près hein, sur ce cycle. Ouais, je crois que c'était 4 ouais. sur celui-là. Ouais. Oh, fin connaisseur de Christian Jacques. Attention, hein, Frédéric, j'ai pas intérêt de dire d'annerie. Bon, alors, le livre, le dernier, il est gagné. Et comme vous aimez beaucoup lire et vous balader, j'en suis sûr, je vous offre en bonus l'édition 2024 du Petit Futé. C'est le City Book Caen Escapade Calvados en partenariat avec France Bleu Normandie. Mais c'est super, parce que je suis sûr que je vais découvrir plein de bonnes petites adresses. Voilà, effectivement. Je vous souhaite de bonnes heures de lecture et à très bientôt, Frédéric. Merci beaucoup, Rodolphe. Au revoir. À l'Indien, le cow-boy, le policier, et puis cette chorégraphie, on fait les lettres avec les bras, bah, c'est parti. Voici YMCA, les Village People sur France Bleu. Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off. I said, young man, 'cause you're in a new town. There's no need to be unhappy. Young man, there's a place you can go. I said, young man, when you're short on your dough, you can stay there. And I'm sure you will find many ways to have a good time. It's fun to stay at the It's fun to stay. des Modab, YMCA et des Village People sur France Bleu. Je vais t'aimer. La comédie musicale Phénomène, avec les plus grands succès de Michel Sardou, est au Casino de Paris à partir du 25 janvier et en tournée dans toute la France en 2024 avec France Bleu. Une histoire inédite entre Paris et New York à travers les époques et la bande-son de notre vie. France Bleu vous offre Je vais t'aimer. Écoutez France Bleu ou rendez-vous sur francebleu.fr. Je vais t'aimer. Vous savez déjà que vous allez chanter. Un spectacle France Bleu. Bienvenue chez Écoutez Voir. Et là, vous entendez mieux? Comme quoi, le plus gros effort pour bien entendre, c'est encore de pousser la porte. Et oui, chez Écoutez Voir, le bilan auditif est gratuit. Et les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. Du 21 octobre au 5 novembre, amusez-vous à vous faire peur au zoo de Jurque. Découvrez des scènes horriblement drôles. Squelettes farceurs et sorcières moqueuses vous attendent pour passer une journée inoubliable auprès de centaines d'animaux de tous les continents. Jouez au détective avec notre grande enquête Mystère au zoo. À la clé, une récompense gourmande vous attend. Animation quotidienne, restauration et boutique sur place. Le zoo est ouvert tous les jours pendant les vacances de la Toussaint de 10h à 18h. Plus d'infos sur zoodejurque.fr. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Normandie. Mercredi 18 octobre, vous écoutez France Bleu, il est 17h. Et c'est l'heure des infos. Bonsoir Léni Flouva. Bonsoir Rodolphe, bonsoir à toutes et à tous. Et le nouveau centre pénitentiaire d'Yves qui a ouvert ses portes aux journalistes. La nouvelle prison construite à côté de Caen est pour l'instant vide. Le site va accueillir 551 détenus, un quartier homme, un quartier femme et un autre pour les mineurs. Un centre pénitentiaire moderne avec un terrain de sport, atelier de formation, une boulangerie. Autant d'activités qui participeront à la réinsertion des détenus, explique Karine Vernière, la directrice du SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de la probation du Calvados. Une prison doit être une ville, c'est-à-dire qu'on ne doit pas être exclu en entrant en prison de tout le système social. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et si vous rentrez en prison et qu'il ne se passe rien, vous allez sortir en plus mauvais état que vous allez rentrer. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est la prévention de la récidive. Et donc, il faut que vous ayez accès à tout ce qui permet l'inscription dans le champ social. Donc effectivement, que ce soit le travail, l'école, la culture, tous les programmes d'insertion sociale, toutes les questions aussi liées au culte, évidemment. Donc si vous avez accès à tout ça, on peut recréer un champ social à l'intérieur. Et la prison ne doit pas être un espace vide. Là, on a des espaces dédiés pour tout. Quand vous avez plusieurs espaces, il n'y a plus de concurrence. Vous pouvez accueillir tout le monde, chacun selon ses besoins, mais la personne peut accéder à des programmes du SPIP, peut accéder à l'école, peut accéder au sport, peut accéder aux soins. C'est la même chose pour tout le monde. Donc si le détenu peut circuler et aller dans un maximum d'actions, mais il va progresser beaucoup plus vite, c'est évident. Et nous pousserons les portes de cette prison dans le journal de 18h. La police du Calvados lance un appel à témoins pour retrouver un homme disparu à Caen. Personne n'a vu ou croisé Jonathan, 39 ans, depuis le 14 septembre dernier. L'homme a le crâne rasé, il est tatoué dans le cou et au niveau du poignet droit. Toutes les informations sont sur francebleu.fr et nos réseaux sociaux. Le château de Versailles et une dizaine d'aéroports évacués en fin de matinée pour cause d'alerte à la bombe. Certaines aérogares comme Lille, Lyon et Nice ont pu reprendre progressivement leur activité. Dans d'autres, des vérifications sont toujours en cours. Pas d'alerte concernant l'aéroport de Caen. 24 Français morts, 7 encore portés disparus. C'est le nouveau bilan dressé par la première ministre Elisabeth Borne, 12 jours après le début du conflit entre le Hamas et Israël. 3500 Français vivant en Israël ont été rapatriés dans l'Hexagone. Sur place, Israël autorise l'arrivée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza depuis l'Égypte. Et puis aussitôt ouverte, aussitôt dévalisée. La boutique du Stade Malherbe de Caen n'a plus de maillot collector célébrant les 110 ans du club. À 130 euros pièce, le maillot blanc décoré, oui quand même, 130, décoré d'une bande rouge et d'une bande bleue, a séduit les fans. Un maillot que les joueurs porteront samedi à Dornano. Le SMC va célébrer son anniversaire lors de la venue de l'AJ Auxerre pour le match de reprise. Et puis s'il reste un peu d'argent dans le portefeuille des fans de sport, sport. La billetterie de l'Open de tennis de Caen a ouvert hier. L'Open de Caen, ce sera du 10 au 13 décembre prochain au Palais des Sports Caen-la-Mer. France Bleu Normandie. La météo. 100% locale. Avec Eddy Fides, expert de l'accession à la propriété en Normandie. Détails et informations sur eddyfidesimmobilier.fr. Vous avez un polo bleu, Rodolphe, pas de maillot du SMC. Ben non, mais j'ai vu des gens dans ces stations qui ont réussi à en choper. Donc j'en ai vu un en vrai. Il y en a un qui se balade et le monsieur qui l'a acheté nous regarde depuis les vitres du studio. J'en ai pas un, mais j'en ai vu un. Oh là là, quel privilège, il n'y en a que 110. Hein. Ouais, effectivement. Oh, j'aurais dû le toucher, ça se trouve, c'est un porte-bonheur, un truc de ouf, quoi. Bon, une autre couleur, une vigilance jaune, tiens, pour le Calvados et l'Orne en raison du vent, Rodolphe. Et oui, un vent rafale de 65 km/h jusqu'à ce soir, 55 km/h en début de nuit. Un ciel voilé en soirée, puis de belles éclaircies vont se former. Elles céderont ensuite la place aux nuages qui donneront quelques averses locales avant l'aube. Pour demain, Météo France nous annonce un temps variable. Ouais, des éclaircies sont possibles, mais les nuages apporteront de temps en temps des averses. Et puis le vent va rester assez fort avec des rafales de 55 km/h sur le sud de la région jusqu'en milieu d'après-midi. Et des températures en légère baisse. Ouais, 12 à 14 au lever du jour, 17 à 20 pour les maxis. Dans le Calvados, 20 degrés à Romanche, Cabourg et Ouistreham. 19 à Caen, Yves, Bayeux, Falaise, Lisieux et Vire. Et puis dans l'Orne, 18 degrés à Argentan et Flers, 17 à Alençon et L'Aigle. La suite, bah, c'est vraiment de la pluie. Hein. De la pluie pour vendredi, de la pluie pour samedi, de la pluie pour dimanche, puis pour une bonne partie de la semaine prochaine. Voilà. À tout à l'heure, Léni. À tout à l'heure. 18h. La route avec dans l'Orne des obstacles signalés par Bison Futé sur la Nationale 12. Il y en a deux, le premier à Courjoux en direction de Rennes et le second à Saint-Hilaire-le-Châtel en direction de Paris. Le Calvados maintenant avec le périphérique Canet bien chargé en ce moment au nord. Ralentissement qui part du viaduc jusqu'à la porte du Bessin en direction de Bayeux. Dans l'autre sens, le ralentissement part de la Folie Couvre-Chef jusqu'à la porte de Paris et il se poursuit ensuite en chaussée intérieure entre la Porte de Paris et Cormelles-le-Royal en direction de Rennes. Et conséquence de ces ralentissements sur le périphérique de Caen, ce bouchon qui s'est formé à la sortie de l'autoroute A13 pour vous qui arrivez sur Caen depuis Paris. Un bouchon situé sur la bretelle de sortie de l'échangeur de Mondeville, nous indique Bison Futé. Et on continue de faire la route ensemble. La ligne Infotrafic France Bleu pour nous joindre, 02 31 44 48 44. Info mobilité sur France Bleu, le trafic des trains, pas de soucis particuliers en cette fin de journée dans l'Orne en gare d'Alençon, dans le Calvados en gare de Caen, les prochains trains en départ ou l'arrivée sont pour l'instant tous à l'heure. Le 16-19, France Bleu Normandie, Rodolphe Baudry. Et dans un instant, c'est l'actu des cinémas en Normandie. On va faire étape dans le Calvados, dans le Bessin, au Méliès de Bayeux, pour l'avant-première de L'Abbé Pierre, une vie de combat. L'Abbé Pierre qui est incarné par Benjamin Laverne. Avant-première du film en présence du réalisateur. C'est dimanche prochain à 14h. Il y aura même des invitations à gagner pour aller au Méliès de Bayeux, juste après. Alors, deux géants de la musique, parce que je pense que à eux deux, ils ont vendu, mais alors des caisses et des caisses de disques à travers la planète. Et ils se sont réunis sur ce duo. Say, Paul McCartney, Michael Jackson. Stand in my place and fight it. You know I'm blind. Say. Paul McCartney, Michael Jackson sur France Bleu, 17h10. Des cinémas dans la région. Nous sommes ce soir dans le Calvados, dans le Bessin, en Méliès de Bayeux, avec le patron des lieux, Olivier Aubry. Bonsoir Olivier. Bonsoir. J'aime bien vous présenter comme le patron comme ça, c'est impeccable. Ça vous flatte. Hein. J'aime bien. J'adore. Bon, avant d'en venir à l'avant-première hein, qui se profile à dimanche dans votre salle, les sorties de la semaine, le nouveau Toledano Nakash, une année difficile. D'ailleurs, vous aviez reçu les réalisateurs pour une avant-première. Oui, tout à fait. Mais ils avaient même démarré la tournée en dans le Calvados, en commençant par le Méliès, où on avait eu Nakash et Toledano et Jonathan Cohen qui était venu ce soir-là. Alors, c'est un film réussi, selon vous ? Faut aller le voir ou... Oui. Mais il est réussi parce qu'en plus, on va ressortir avec la banane, parce que c'est une satire, c'est un peu une comédie à l'italienne, comme on faisait avant. Et c'est pas du tout politisé, parce qu'on a un petit peu des retours sur des critiques qui vont là-dessus, ça n'a rien à voir. C'est franchement, allez-y, et par les temps qui courent, ça fait beaucoup de bien. Bon, il y a un autre film dont on parle beaucoup en ce moment, moi j'ai pas encore eu l'occasion de le voir, c'est le fameux Bernadette que vous avez également à l'affiche avec Catherine Deneuve. Alors on n'est pas dans le biopic, c'est vraiment une comédie quoi, hein. C'est potiche, revu et corrigé quoi. Tout à fait. Non, mais le film est superbe. C'est vrai qu'il a un petit peu de mal à démarrer, mais en revanche, le bouche-oreille fonctionne très bien. Et il faut regarder dans ce film-là, c'est que toutes les anecdotes sont vraies. C'est pas du tout un biopic, comme vous avez dit, mais allez le voir, pareil, vous allez passer un moment extraordinaire et ressortir avec une banane. Voilà, parfait. Inspiré de faits réels, on va dire ça comme ça, ce film. Voilà, ça fait bien. Et puis, il y a une autre comédie également, c'est le film Feel Good du moment, c'est Marilyn et son juge qui permet de retrouver Louane et Michel Blanc, un tandem qui fonctionne, selon vous ? Mais qui fonctionne encore une fois parfaitement, et encore une fois, c'est un film qui a du mal à démarrer, mais c'est extraordinaire en ce moment, on a des très très bons films, mais en revanche, toutes les sorties de salle et les spectateurs et spectatrices qu'on interroge, ressortent ravis. C'est, voilà, donc ce sont des films, je pense, qu'il faut garder sur la longueur, parce que le bouche-à-oreille est là. Et puis, alors là, il y a un événement qui se profile dans votre cinéma, Méliès à Bayeux, Olivier Aubry, dimanche après-midi à 14h, c'est la projection en avant-première du film L'Abbé Pierre, une vie de combat avec Benjamin Laverne, et vous allez recevoir le réalisateur Frédéric Tellier. Tout à fait, à 14h, il sera là juste avant la projection, pendant une bonne demi-heure, à discuter avec le public, l'origine du film, pourquoi le film, pourquoi ces acteurs-là. Et c'est vrai que c'est un film qui est un petit peu, je veux dire, un peu dans l'air du temps en ce moment, ouais. On va dire. Et pourquoi un nouveau film sur l'Abbé Pierre ? Parce qu'on avait déjà eu un, entre autres. Hein. Tout à fait, on se souvient tous, Lambert Wilson qui avait joué dedans. Ouais. Je pense que pour Frédéric Tellier, c'était au plus profond de lui-même de vouloir le faire et le réaliser lui-même. Et peut-être montrer aussi, moi je vois le film demain après-midi, et de montrer peut-être une autre facette de l'Abbé Pierre. En tout cas, il y a une belle distribution, on l'a dit, hein, Benjamin Laverne qui incarne l'Abbé Pierre. Il y a également Emmanuel Berco, Michel Vullermoz. Donc voilà, beau casting pour les étoiles. Ouais. Et puis c'est des comédiens du français, ne l'oublions pas. Effectivement, et puis le film sortira le 8 novembre, donc on aura l'occasion de le voir avant tout le monde. Donc au Méliès de Bayeux, l'Abbé Pierre, une vie de combat, dimanche après-midi à 14h, en présence du réalisateur Frédéric Tellier. Et tous les renseignements, les horaires, les réservations, on va sur cinemameliès.fr. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier Aubry, du Méliès à Bayeux. Et à très bientôt. Au revoir. À très bientôt, au revoir. Et justement, pour aller au cinéma, on vous l'a dit, il y a plein de bons films à aller voir en ce moment, notamment Méliès de Bayeux. On vous offre vos deux invitations pour cette salle de Bayeux. Si vous répondez correctement à cette question, quel comédien a déjà incarné l'Abbé Pierre au cinéma dans le film Hiver 54, sorti en 1989 ? Est-ce Lambert Wilson ou François Cluzet ? 02 31 44 48 44. Vous nous donnez la bonne réponse. Et vous allez au Méliès de Bayeux, bonne chance. Alors ça, c'est un extrait du projet Mezzu qui réunit les plus belles voix corses avec celles du continent, un projet accompagné par France Bleu. Extrait de ce projet Mezzu, Voce Ventu Jennifer, Tu Vecu, La Mio Bandera. Tu Vecu, La Mio Bandera, in luviore chi si spanna, ogni istante rausole, ogni giocco di campana, si per me l'alto vanale, a mio strada, a mio fontana, o la mia bandera, oh la mia bandera. Dire oh la mia bandera, in ogni fiume chi corre, illusa abbraccia un mare, in aianna di albore, si per me a stella ardente, guida di un messembolore, oh la mia bandera. Di Larigio, di Lecce, no di Gaspa, di Unverido, si per me a scorza vita di Arburu sembra rito, ora la mia bandera, ora la mia bandera. Io evo la mia bandera in un pianto di Mugello, in la mano che si può dire in la risa di un zitello. La mia antica culana, a mio bramo, mio iuelo, la mia bandera, la mia bandera. Ti vuoi la mia bandera, in ogni via lunario, in l'uvolo di l'altagna, in l'agnello c'è un prato, si per me l'ultimo anello, un mio ramo. Mio viaggio con la mia bandera, con la mia bandera, ti vedo la mia bandera in un vecchio camposanto, in un vaso di amore, in arima di un mio canto, si per me l'eterna braccia saperà che vengo tanto, con la vous met des poils quand même, les chants corses. Voce Ventoux, Jennifer, tout vécu, la mio bandera. Et pour jouer avec nous, le jeu cinéma dans le Calvados à Cussy. Bonjour Annick. Bonjour Rodolphe. Comment ça va? Très bien. Bah ça s'entend. La pluie, oui, vous réussit bah... bien, visiblement. Ça vous plaît qu'il Écoutez, pleut pourquoi pas. D'accord. C'est un temps aller au cinéma. Oui, tout à fait. Voilà, au Méliès de Bayeux. Et puisque dans cette salle, il y aura la projection d'avant-première du film L'Abbé Pierre, une vie de combat, avec Benjamin Laverne qui joue l'Abbé Pierre dans ce nouveau film. Mais quel comédien a déjà incarné l'Abbé Pierre au cinéma dans le film Hiver 54? Lambert Wilson. Eh ben c'est la bonne réponse, Annick. Vous avez deux places pour le Méliès à Bayeux, dites donc. Ah, c'est parfait, c'est très bien. Il y a déjà un film que vous avez envie de voir ou pas encore? Bah écoutez, je pense que je vais venir avec mes petites filles voir le Pat Patrouille. Ah, la attention, c'est pas la Pat Patrouille, c'est la super Pat Patrouille. Oui, ça doit être ça, oui. Alors attention, hein, ça rigole pas. Hein. Bon, eh ben profitez-en bien de ce ciné en famille. À bientôt, Annick. D'accord, merci Rodolphe, à bientôt. Au revoir. L'écho d'ici. Sur France Bleu Normandie. Actuellement, nous avons une cliente qui est norvégienne, qui a souhaité séjourner chez nous avec son cheval. L'écho d'ici. Votre rendez-vous avec celles et ceux qui font bouger le tissu économique normand. Donc on allie un liron avec un miroir au plafond, on joue sur des éclairages lumineux, on a une barre de pole dance. L'écho d'ici. Chaque matin, du lundi au vendredi, à 7h15. Et dès maintenant, sur francebleu.fr. Toute l'actualité des médiathèques de la région à partager sur France Bleu Normandie. La radio partenaire. Et dans l'Orne, un passionné d'histoire, et en particulier de l'histoire du bocage, Claude Gilles, qui vient dédicacer son dernier livre, Contes en Pays Normand, à la médiathèque de Briouze, samedi prochain, de 10h à 12h30. Renseignements sur flair-aglo.fr. France Bleu Normandie.

C'était Céline Dion avec Pour que tu m'aimes encore. Et vous retrouvez France Bleu Collector en écoute et en podcast sur l'appli Radio France. Toute la saison culturelle ornaise avec le réseau C61. À vivre avec France Bleu, la radio partenaire. C'est actuellement le festival des racontars, des rendez-vous de spectacles aux quatre coins du département jusqu'à dimanche, avec notamment ce soir à 19h à la salle des fêtes de Courtemer, le spectacle Pas chasé sur la courbe du monde. Renseignements sur culture.orne.fr. Pourquoi préférer MAF Pro ? Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur ? Peur de quoi ? Ben, je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà pourquoi je préfère MAF Pro. Et du 2 au 31 octobre, profitez de 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur MAF.fr. IKEA. Attends, t'es prêt là ? Tada ! Waouh, sympa la déco, mais on est où ? Bah mon amour, on est chez nous. Ah ouais, t'as vraiment fait plein de bonnes affaires. Aménagez votre intérieur à petit prix avec nos bonnes affaires. Jusqu'au 9 novembre, avec la carte gratuite IKEA Family, la chaise d'extérieur Ascolmen est à 20€ au lieu de 40. Conditions sur IKEA.fr. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Normandie, ici, on parle d'ici. L'infotrafic 100% local avec Marie Automobile, votre concessionnaire Peugeot Citroën, DS et Moto en Basse-Normandie et sur marieautomobile.fr. Avec dans le Calvados de grosses difficultés de circulation, de forts ralentissements sur le périphérique de Caen ce mercredi soir. Le périphérique, c'est simple, il est saturé au nord, depuis la porte de Paris jusqu'à la porte du Bessin, en direction de Bayeux. Voilà, c'est la chaussée extérieure qui est très très très encombrée et ce ralentissement remonte également sur la chaussée extérieure des périphériques sud et est, ce qui fait que le bouchon démarre de If jusqu'à la porte de Paris. Après, au nord, vous êtes bloqué dans le bouchon jusqu'à la porte du Bessin. En intérieur, il y a également des difficultés au nord, au niveau de la porte d'Angleterre et sur le viaduc en direction de Paris. Et puis, au niveau de la porte du Pays d'Auge à Mondeville, en direction de Rennes sur la partie est de la rocade. Et conséquence de ces ralentissements sur le périphérique de Caen, ce bouchon d'1,2 km signalé par Bison Futé pour vous qui arrivez sur Caen depuis Paris. Un bouchon situé sur la bretelle de sortie de l'échangeur de Mondeville. Et le bouchon, il remonte jusqu'à Giberville, hein, nous indique Bison Futé. On continue de faire la route ensemble. 02 31 44 48 44 pour toutes vos infos route en temps réel. Le 16-19, France Bleu Normandie. Rodolphe Baudry. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn. Things you don't C'était Miley Cyrus sur France Bleu, 17h35. France Bleu Normandie. Instantané trafic. Instantané trafic. Avec, dans le Calvados, je vous le disais il y a quelques minutes de cela, sur le périphérique nord de Caen, de grosses difficultés de circulation. Eh bien, on a les explications grâce à vous, les éclaireurs de France Bleu Normandie. Tout d'abord, Fabienne qui nous annonce un accident qui s'est produit en bas du viaduc de Calix, en direction de Bayeux. Et puis, Léa nous informe qu'il y a un autre accident qui s'est produit sur le périphérique nord, entre les sorties Caen Centre et CHU, et cette fois-ci en direction de Paris. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de ralentissements dans les secteurs suite à ces deux accidents. Sur le périphérique nord, merci à vous, les éclaireurs de France Bleu, au 02 31 44 48 44. Et c'est l'heure des circuits courts en Normandie avec vous, Jason Grenier. Bienvenue Jason, bonjour. Bonjour Rodolphe. On va découvrir le tertre aux herbes dans une exploitation de vaches laitières dans l'Orne. Oui, la chapelle pressée dans la ferme des tertres des produits laitiers Agré Orne Terroir. Vous savez, Orne Terroir, c'est un gage de qualité dans le département de l'Orne. Il y a tout un jury de dégustation pour sélectionner les meilleurs produits, des produits locaux. C'est l'un des critères pour être Agré Orne Terroir. La ferme des tertres donc avec Jean-Claude Baignard avec nous par téléphone. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour Jason. Alors la ferme des tertres, il y a deux secteurs en quelque sorte. D'un côté les chevaux, de l'autre les vaches. Alors les chevaux, c'est plus pour l'aspect touristique, on peut faire des balades. Et les vaches, des vaches laitières pour le lait. Tout à fait, des chevaux et des vaches. Alors les chevaux sont d'un côté et les vaches de l'autre. Ce sont des vaches laitières normandes pour l'élevage et pour le lait. Et vous en faites quoi? Du lait, vous transformez tout sur place? Alors, on ne transforme pas tout, on en transforme 15-20%. On fait de la crème, du beurre, du fromage frais, des yaourts avec des yaourts aromatisés un peu de toutes les sortes. Ensuite, on a du riz au lait au chocolat, du fromage frais. Et les deux spécialités de la maison qui sont un tertre aux herbes, qui est donc un petit fromage frais avec de l'ail et du persil. Et puis aussi une superbe crème au caramel. Ah d'accord, le tertre aux herbes, c'est vous qui avez trouvé le nom là, on n'en trouve exactement, pas ailleurs. Oui, c'est un nom 100% maison, oui. Vous vendez vos produits sur place à la ferme? Alors on vend un peu sur place et puis on vend aussi dans des magasins locaux. Je dirais qu'aujourd'hui on va même jusqu'à Caen. Et des produits agréés en terroir aussi, c'est une fierté d'avoir cette reconnaissance? Ah bah écoutez, c'est une preuve de qualité. Hein. Je pense que aujourd'hui, la reconnaissance par Orne Terroir est une bonne chose pour nous. Oui. En tout cas, Jean-Claude, ça donne très très envie, hein, tous ces produits. Quels sont les horaires d'ouverture de votre magasin, la ferme à la Chapelle Pressée? Alors en fait, on n'a pas obligatoirement des horaires d'ouverture. On aime bien que les gens nous passent un petit coup de fil pour commander. On met dans un petit réfrigérateur dans une pièce. Ils viennent, ils se servent et ils mettent l'argent. Tout marche en confiance. Ah génial, là c'est vraiment à échelle humaine. On le sent, hein, la ferme des tertres familiale aussi. Merci beaucoup Jean-Claude d'avoir pris un peu de temps pour France Bleu. Merci beaucoup, bonne journée. Très bonne journée, au revoir. Au revoir. Et d'autres produits en terroir à découvrir sur orne-terroir.fr. Et demain, vous pourrez faire votre marché dans la région, par exemple dans le Calvados, à Argence, Blangy-le-Château, Livarot, Houlgate ou Caumont-l'Éventé. Puis dans le département de l'Orne, c'est le grand marché en centre-ville d'Alençon. Demain, à Bretoncelles, La Ferté-Fresnel, Messé, Train ou encore Gacé. Circuit court avec la Cité de la Mer à Cherbourg, monument préféré des Français 2022. Infos et billets sur citedelamer.com.

lumineuses avec des décors horrifiques qui sont mis en scène pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Alors voilà, vous pourrez profiter de ces vacances en famille et fêter Halloween au Zoo de Jure grâce à France Bleu si vous répondez à cette question qui porte sur l'un des animaux emblématiques. L'un des animaux emblématiques. Oui, je me doutais. Le tigre blanc. Le tigre blanc du zoo de Jure. Qui vient d'où? De quel continent? D'Afrique ou d'Asie? 02 31 44 48 44. Le temps que j'achète un bécherel. On va écouter Santa avec Popcorn Salé sur France Bleu. Je pourrais jouer le faux héros au milieu des flammes. Repartir à zéro pour un supplément d'âme. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire que tout ira mieux. Je mettrai la musique plus fort pour plus entendre dehors. Allez viens. Jouer les beaux mots au milieu des femmes, le premier domino de ton cœur qui s'emballe. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire qu'avant c'était mieux. Remettre la musique plus fort pour plus entendre nos remords. J'entendrai les bravos. Le chaos, tu seras ma femme. Et on se regardera dans les yeux, dire que demain sera mieux. Je chanterai toujours plus fort pour qu'on m'entende dehors. Allez viens. Salé, c'était Santa sur France Bleu, 17h52. Allez, on joue maintenant dans le Calvados, sur la côte de Nacre, à Langrune-sur-Mer. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, ça va. Bon, est-ce qu'il y a des enfants autour de vous qui sont en vacances la semaine prochaine? Eh oui, il y a mes deux filles, elles sont pas avec moi, mais oui, il y a mes deux filles. D'accord, vous aviez prévu des petites activités ou pas encore pour les vacances? Pas encore, non. Bon, on fêtera peut-être Halloween, quoi, à la maison. Oui, certainement. Et puis une petite journée au zoo en famille, ce serait pas mal. Ça serait parfait, oui, exactement. Ouais. Voilà, alors un pass famille, deux adultes, deux enfants pour le zoo de Jure. Voilà ce que je vous offre, Anthony, si vous répondez merci à cette question. De quel con... Me dites pas merci parce que vous ne l'avez pas gagné encore. Hein. Si vous ne donnez pas la bonne réponse, vous ne l'avez pas, Anthony. De quel continent viennent les tigres blancs du zoo de Jure? De l'Asie. Bravo, vous les avez déjà vus en vrai ou pas? Non, jamais non. Eh ben, ça sera l'occasion. Et en plus, vous allez découvrir le zoo dans une ambiance Halloween. Il y a des toiles d'araignées, il y a des bonbons, il y a des citrouilles, quoi. C'est la fête. Ah ouais, c'est très bien. Parfait. Bon, voilà. Et voilà, une journée d'occupé. Il ne reste plus qu'à occuper les 9 autres, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça le truc. Et ben, justement, je vous offre en plus l'édition 2024 du petit futé. C'est le City Book Camp Escapade Calvados. Où là, il y a plein de bons plans également pour sortir dans la région, notamment en famille. Voilà. Ok, ben, super. Et à bientôt Anthony. Merci beaucoup. Bonne soirée à Lanconne-sur-Mer. Au revoir. Et pour rejoindre les infos de 18h, celui qu'on a surnommé un petit peu le pianoman, originaire de New York, voici The River of Dreams, Billy Joel. C'était Billy Joel. Pour DJ France Bleu, chaque samedi, c'est nos limites sur les pépites. Quand vous vous déhanchez sur ça, ou quand vous montez sur la table avec ça, vous écoutez France Bleu Let's Dance. Le samedi dès 22h sur France Bleu, Let's Dance. Toute la saison du Haras National du Pin. Du Haras National du Pin. À vivre avec France Bleu. Avec France Bleu. Avec Halloween et un spectacle équestre pour ses vacances, Rochefort, l'aventurier et son acolyte Arlequin qui nous ouvre les portes du fantastique, passant de l'ombre à la lumière, toute une galerie de personnages qui revient à la vie à travers des prouesses équestres, de fabuleuses acrobaties aux vertigineuses voltiges. dans une ambiance envoûtante à la Tim Burton. Renseignements sur artnationaldupin.com. Non. France Bleu présente la comédie musicale incontournable Le Roi Lion. Applaudi par plus de 850 000 spectateurs, toutes générations confondues, la troupe du Roi Lion revient pour une troisième année sur la scène du Théâtre Mogador. Un spectacle grandiose. Le Roi Lion, uniquement au Théâtre Mogador à Paris. Avec France Bleu. MMA, Business Entreprise. Jusqu'au 25 novembre 2023, 50% offert sur l'assurance dirigeant. Moins 50% sur la première cotisation annuelle. Conditions en agence. Je te dis que je t'aime. Certaines phrases sont tellement plus belles quand elles sont chuchotées. Ce serait dommage de s'en priver. Parce que vous méritez d'entendre le moindre chuchotement, on vous offre le dernier cri. Et oui, chez Écoutez Voir, les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Et en plus, le bilan auditif est gratuit. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical, point de vente soumis au code de la mutualité, conditions sur écoutezvoir.fr. La Nostalvie, c'est le nouveau livre de Patrick Sébastien. Mon nouveau livre, je l'ai appelé La Nostalvie. À ne pas confondre avec la nostalgie. La Nostalvie, c'est rose et jaune comme le soleil. C'est faire un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Et crois-moi, on en a bien besoin. La Nostalvie, de Patrick Sébastien. Un récit à savourer. Un livre XO. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Normandie. Mercredi 18 octobre, vous écoutez France Bleu, il est 18h. Et sur la route dans le Calvados, périphérique nord de Caen, accident en cours entre les sorties Caen Centre et CHU en direction de Paris. Il y a de forts ralentissements et la voie de droite est neutralisée à hauteur de cet accident. La météo, Léni Flouva. Une alerte jaune pour vent violent dans l'Orne et le Calvados jusqu'à 23h. Les températures ne vont pas descendre en dessous des 12 degrés cette nuit. Un point complet à la fin de ce journal. Et commençons ce journal en faisant entrer dans un lieu bien particulier. Ce lieu, c'est le nouveau centre pénitentiaire d'If, le remplaçant de la prison de Caen. Pour faire simple, les deux sites n'ont rien à voir. La prison d'If est moderne, peut accueillir plus de prisonniers. 551 places, un quartier homme, un quartier femme, un autre pour les mineurs. Les lieux attendent le transfert des prisonniers dans les semaines à venir. Une prison vide, enfin presque. Élodie Touchet a pu s'y rendre pour France Bleu aujourd'hui. Derrière les grilles, des matelas attendent encore d'être installés dans les 500 cellules à 90% individuelles, ce qui inquiète parfois les détenus canets, constate Kevin Puget, chef de détention. Ils sont aussi habitués à être à deux pour échanger tout au long de la journée ou de la nuit. Ici, ça va être un petit peu différent. Mais les conditions de détention sont incomparables. Ici, chaque cellule est équipée d'une douche. Amélie Elloré est première surveillante. Lorsqu'ils allaient au sport, ils pouvaient prendre leur douche un jour sur deux en détention classique, alors que là, en effet, ils pourront prendre leur douche tous les jours. Ce qui concerne la dignité humaine, là, elle sera quand même nettement plus respectée. Pour apaiser les tensions, il y a le sport, deux terrains extérieurs, deux gymnases et 6 salles de musculation. Elles sont à disposition pour au moins 4 séances par semaine. Essentiel, assure Mehdi Lecreux, responsable du service. On est aussi sur l'aspect socialisant, sociabilisant. Des détenus qui sont un peu rejetés au niveau de la détention, en pratiquant un sport collectif, ils peuvent trouver leur place dans un groupe. Ce qui passe aussi par les activités avec une boulangerie créée par exemple dans la prison. Karine Vernière est la directrice du SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation du Calvados. Pour travailler, il faut avoir acquis un certain nombre de codes sociaux. Vous, vous vous levez le matin, vous allez savoir comment vous vous adressez à vos collègues et à vos patrons, par exemple. Mais il y a des gens qui n'ont pas ces codes-là. Nous, notre travail, ça va être d'accompagner les gens au travail. Les détenus de la prison de Caen doivent être transférés d'ici la fin de l'année. D'Élodie Touché. Un homme âgé de 39 ans a disparu depuis plus d'un mois à Caen. La police du Calvados lance un appel à témoins pour obtenir une quelconque information et faire avancer l'enquête. Jonathan a le crâne rasé, les yeux bleus et 2 tatouages, l'un dans le cou, l'autre au poignet. Toutes les informations sur francebleu.fr. Fausse alerte à la bombe, les auteurs seront retrouvés et punis, avertit le ministre de la Justice. Ces alertes ont concerné en fin de matinée une dizaine d'aéroports en France. Après, c'est le château de Versailles qui a demandé à ses visiteurs de sortir. Le trafic aérien reprend progressivement dans les aérogares. À Caen, aucune alerte n'a été signalée. Après plusieurs jours de demandes, Israël autorise l'arrivée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza depuis l'Égypte. En France, Elisabeth Borne a répondu aux questions des sénateurs au sujet du conflit. La première ministre a actualisé le bilan humain national de ces 12 premiers jours de combat entre le Hamas et Israël. 24 Français sont morts, 7 sont encore portés disparus, certains probablement enlevés. France Bleu Normandie, 18h03, les fans du SMC ont été très réactifs. En à peine 1h30, les 110 maillots collecteurs célébrant les 110 ans du club sont partis. Une rupture de stock rapide dès 15h. Plus rien pour cette édition blanche avec une bande bleue et une bande rouge en collaboration avec Saint-James. La pièce a un coût, 130€ prix public. Philippe Thomas a croisé Tom, David et Benoît. Le premier a fait chou blanc, les deux autres sont arrivés tout juste à temps. J'ai vu ça vite sur les réseaux sociaux qu'il n'y avait que 110 exemplaires et je suis arrivé trop tard. Et puis bon, c'est pas tout le monde qui l'aura, quoi. Il est collector, donc un peu de déception. Ouais. C'est pour mon fils, en fait, pour le faire plaisir, simplement. Voilà, c'est tout. Le prix vous a pas arrêté ? Non, mais on sait que maintenant les maillots sont de toute façon toujours autour de 90 à 150€, donc c'est maillot collector. Ouais, il y a plusieurs polémiques. Moi, je l'aime bien, je le trouve joli. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de références à l'historique du club, mais bon, il est. Moi, je le trouve assez sympa. Il est simple, on va dire. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas trop de sponsoring dessus. Et ça, c'est bien. Un petit peu vintage, ouais, c'est ça exactement. C'est impressionnant, ouais. Je ne pensais pas que ça allait partir aussi vite. Donc bon, enfin, il n'y avait que 110 exemplaires aussi, donc c'est vrai que ça va très vite. On portera le maillot lors du match contre Auxerre, en espérant une belle victoire, quoi. C'est sûr que c'est presque le plus important que le maillot, mais bon, on espère aussi faire une belle fête pour fêter ça. Les 110 ans, c'est quand même une belle date à fêter, quoi. À défaut de l'avoir acheté, retrouvez le maillot en photo sur francebleu.fr. Et puis pour ceux qui sont plus tennis que football, la billetterie de l'Open de Caen est ouverte depuis hier. Des places à tarif réduit sont disponibles. La compétition aura lieu au Palais des Sports Caen-la-Mer du 10 au 13 décembre prochain. France Bleu Normandie. La météo 100% locale avec Edifides, votre expert dans la vente et la construction de maisons et appartements neufs en Normandie. Détails et informations sur edifidesimmobilier.fr. On le disait au début de ce journal, Rodolphe, une vigilance jaune pour le Calvados et l'Ande en raison du vent. Et oui, vent en rafale de 65 km/h jusqu'à ce soir, 55 km/h en début nuit, un ciel voilé en soirée, puis de belles éclaircies qui vont se former. Elles céderont ensuite la place aux nuages qui donneront quelques averses locales avant l'aube. Et pour demain, Météo France nous annonce un temps variable. Et oui, des éclaircies sont possibles et les nuages apporteront de temps en temps des averses. Le vent va rester assez fort avec des rafales de 55 km/h sur le sud de la région jusqu'en milieu d'après-midi. Et des températures en légère baisse. Ouais, 12 à 14 au lever du jour, 17 à 20 pour les maxis. Dans le Calvados, 20 degrés sur la côte à Isigny-sur-Mer, Honfleur et Courseul-sur-Mer, 19 degrés à Caen, Mondeville et Bayeux, 19 pour Falaise, Lisieux et Vire, et puis dans l'Orne, 18 degrés à Argentan et Flers, 17 à Alençon et L'Aigle. La suite, bah, c'est l'automne, quoi, de la pluie vendredi, et puis des averses aussi pour samedi et dimanche. Voilà Lini, bonne soirée. Merci Rodolphe. La route avec donc dans le Calvados des difficultés de circulation sur le périphérique nord de Caen suite à un accident qui s'est produit en direction de Paris entre les sorties Caen-Centre et CHU. Il y a la voie de droite qui est neutralisée et de forts ralentissements donc dans les deux sens. Hein, sur le périphérique nord actuellement, c'est également compliqué pour vous qui empruntez le périphérique est, notamment en chaussée extérieure, puisque vous avez un bouchon qui démarre du rond-point bleu à Ifs jusqu'à la porte de Paris. Et puis on fait également la route grâce à vous, les éclaireurs de France Bleu Normandie, et Christian qui fait partie de ces éclaireurs qui nous informe que en centre-ville de Caen, la route est barrée du rond-point de l'Admilune jusqu'à la gare en raison d'une fuite de gaz, et il y a des ralentissements qui se forment suite à cette route barrée. Merci Christian pour cette info. Et puis dernière info route, elle concerne la Nationale 13 à la rive de Bison Futé. Il y a un obstacle en direction de Cherbourg à Longueville sur la voie de droite. On continue de faire la route ensemble, la ligne Infotrafic France Bleu pour nous joindre pour toutes vos infos routes en temps réel, 02 31 44 48 44. Le 16-19, France Bleu Normandie. Rodolphe Baudouin. Et dans un instant, un spectacle consacré à Simone Veil. Voilà, qu'on connaissait beaucoup dans la région pour sa maison de Cambremer. Ce spectacle s'appelle Simone Veil, une femme libre. Simone en aparté, à découvrir demain à 20h30 au Forum de Falaise. On découvre ce spectacle et on vous offre vos invitations juste après. Saint-Claude, c'est Christine and the Queens. Souffle saccadé, voilà qui laisse deviner que tout se décide, tout se décide. Maquillé comme à la crête, tout détonné, tout me plaît. Les mains sont livides, vides, vides. Mains sont livides, vides, vides. Seul de tes poignets est tatoué, défiguré par ta manche. Le lion ne sourit qu'à moitié. Âme solitude immense, ton visage ne sera jamais entier. Comme tu regardes au dehors, j'emporte un portrait dévoré. Tout leur destin bord à bord. Kiss my station. Kiss my station. Patience comme certitude, collier à trois fils, fils, fils, et à trois fils, fils, fils. Tu seras, j'espère, fidèle aux violences qui opèrent dès que tu respires, pire, pire, que tu respires, pire, pire. D'ordinaire, cette ville n'offre rien qu'une poignée d'odeurs tenaces. Et cette ville est morte, je sais bien. Toi seul garde de l'audace, il faudrait que tu la portes loin. Alors que d'autres renoncent, je descends deux enfers plus loin pour que l'orage s'annonce. Is my station. Claude, c'était Christine and the Queens, 18h11 sur France Bleu. On va s'intéresser à un spectacle, une création du Tani Théâtre, programmé demain dans le Calvados au Forum de Falaise. Un spectacle qui s'appelle Simone en aparté, écrit et mis en scène par Arnaud Aubert, qui est en ligne avec nous. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Rodolphe. Et c'est pas par hasard si vous êtes intéressé à Simone Veil, parce que vous êtes originaire de Cambremer, et on le sait, dans la région, elle avait une petite maison où elle venait régulièrement se reposer. Oui, voilà, c'est un des départs de cette idée. C'est effectivement que j'habite à Cambremer. Je suis plutôt, moi, de Saint-Pierre-sur-Dive à la base, au niveau de ma famille, mais j'habite depuis quelques années à Saint-Pierre et à Cambremer, pardon. Et effectivement, Simone avait son refuge, c'est comme ça qu'elle l'appelait parfois, sa petite maison située dans un petit vallon, une maison vraiment cachée dans une petite clairière qu'elle a eue pendant 45 ans. Effectivement. Voilà. Et dans ce spectacle, Simone en aparté, vous avez choisi d'évoquer cette destinée hors du commun, mais plus de la manière de l'intime, de découvrir qui était cette femme dans le quotidien presque, comme si c'était un membre de notre famille pour nous spectateurs. C'est exactement ça. L'idée, c'était pas du tout de faire un documentaire comme il en existe déjà plusieurs, ni même d'évoquer sa vie de façon chronologique, mais plutôt de lui donner la parole. Et elle avance comme ça, d'idée en idée. C'est par le biais de l'intime, c'est-à-dire que effectivement, j'ai fait un énorme travail avec la comédienne et le scénographe de recherche de documents. Et à travers des documents, la plupart audio, certains audiovisuels, on a recueilli un maximum de témoignages. Donc ça vient pas de son livre Une vie, mais ça vient vraiment, c'est un texte écrit à partir de tous ces témoignages. Alors cette comédienne qui incarne sur scène Simone Veil, c'est Sophie Carité. C'est vous qui lui avez proposé d'incarner Simone sur scène, et vous avez vraiment travaillé ensemble sur tout ce processus, vous le disiez, de recherche, de visionnage des images d'archives. Oui, on a fait quasiment 2 ans de travail avant de construire le texte, et en amont de quoi, pendant ces 2 ans de recherche, en même temps on a travaillé sur la scénographie, sur la dramaturgie, et parce qu'au départ je savais pas si ça serait un monologue, voire même un soliloque, ou si c'était une partition à plusieurs. Mais dès que j'ai eu l'idée de travailler sur le personnage de Simone Veil, à la seconde même, j'ai tout de suite pensé à cette comédienne Sophie Carité, que je connais depuis une vingtaine d'années, et qui est faite pour ce rôle. Et du coup, vraiment, c'est devenu un seul en scène, quoi. Voilà, c'est devenu un seul en scène. Voilà, ce spectacle s'appelle Simone en aparté. Vous l'avez écrit, vous le mettez en scène à Arnaud Aubert. La représentation, c'est demain à 20h30 au Forum de Falaise. On va offrir 2 invitations pour ceux qui nous écoutent pour aller voir ce spectacle. Et pour remporter des places, voici la question: dans quel village du Pays d'Auge Simone Veil possédait-elle une maison? Était-ce à Beuvron en Auge ou Cambremer? 02 31 44 48 44. Vous nous donnez la bonne réponse et on continue d'évoquer ce spectacle avec vous dans un instant, Arnaud Aubert. À tout de suite. Le 6-9. France Bleu Normandie. François Duval. Et si on prenait un peu de calva? Non, pas demain matin, non. Mais vendredi à l'apéro. Oui, car ce 20 octobre, c'est le Calvados Day. Une journée célébrée dans le monde entier, si, par des ambassadeurs normands qui vont organiser des événements pour faire découvrir notre boisson à d'autres. Tenez, nous serons avec Véronique demain à 8h45, une normande installée à Chicago qui va organiser un gros événement vendredi. Alors soyez là. Allez, à la vôtre. Bah quoi? À cette heure-là, je peux. Toute la saison culturelle. De la Loco à Mézidon-Canon. À vivre avec France Bleu Normandie. La radio partenaire. Une amoureuse des beaux textes, des belles histoires. La québécoise Linda Lemay s'arrête à la Loco samedi 11 novembre à partir de 20h30. Renseignements sur le site internet laloco.fr. Du 19 au 22 octobre, ne manquez pas l'expo Camping-Car Normand. Découvrez les nouveautés 2024 et nos prêts à partir. Camping-Car, vannes et fourgons aménagés, neufs et d'occasion. Rendez-vous au parc des expos de Caen. Plus d'infos sur dg8campingcar.com. Le 16-19, France Bleu Normandie. Rodolphe Baudry. Sur le chemin de ma quête, je guette les imprévus, les à côté. C'est pas la fin qui m'intéresse. Je sais que la vie m'a déjà tout donné. Sur la route avant tout, sur la route avant tout. Quand je doute et que je prends des coups, quand je prendrai ma respiration, une destination et je rejoins. Bota de cuero y andar. Que hay tantos ríos y tanta maleza que pesa sin nadie detrás. Esa es la actitud, esa es la actitud. Mm-hmm. terminal sin pensar la altitud. Cuando no veas salidas, recuerda que el bosque es más grande que tú. Serendipia, c'était Loerizzi et Zaz. 18h19 sur France Bleu et depuis quelques minutes, nous évoquons ce spectacle Simone en aparté du Tanit Théâtre programmé au Forum de Falaise demain soir à 20h30. Spectacle consacré à Simone Veil qu'on doit au metteur en scène Arnaud Aubert qui est en ligne avec nous. Toujours Arnaud, hein? Oui, bien sûr. Et on va accueillir Ginette qui est à Ifs. Bonsoir Ginette. Bon, vous êtes tenté par ce spectacle, visiblement. Oui, tout à fait. Alors, vous avez donné la bonne réponse à la question pour aller demain au Forum de Falaise. Dans quel village du Pays d'Auge Simone Veil possédait-elle une maison ? Cambremer. Eh ben, c'est la bonne réponse. Vous irez donc voir ce spectacle et découvrir une Simone Veil différente, plus dans le cadre de l'intime. Oui. Voilà Ginette, bon merci spectacle beaucoup. Merci. Au revoir. Justement Arnaud, est-ce qu'il en est question de cette maison dans le spectacle? Est-ce qu'à un moment ou un autre vous avez fait des clins d'œil à Cambremer ou pas? Oui et non. C'est-à-dire que le nom de Cambremer n'est pas cité. Aucun nom n'est cité d'ailleurs, à part deux, trois prénoms de copines de Simone. On ne parle pas ni des partis politiques, ni on parle de ses engagements. Mais on ne parle pas du tout de... C'est atemporel, en fait. Hein. C'est complètement atemporel. Donc, on ne cite pas directement Cambremer. Ni sa maison dans le Var, ni sa maison à Paris. C'est intemporel. Intemporel. Et en aparté, ça peut faire penser à l'émission de Canal+, où il y a une personnalité qui se retrouve dans un appartement seul, où elle parle de ses souvenirs, de ses rencontres. On est un peu dans cette ambiance-là, si on peut faire un parallèle, Arnaud. Alors pas du tout. En fait, elle est passée dans cette émission, Simone Veil, mais à part ce petit clin d'œil, en fait, on a trouvé le titre avant de s'apercevoir qu'elle avait été dans l'émission. Non, en aparté, c'est vraiment, en aparté, comme on dit dans les spectacles, dans les écritures théâtrales, en aparté, c'est vraiment les adresses au public. Et là, c'est pas tout à fait une adresse au public non plus. C'est vraiment, elle plonge dans ses pensées. Et voilà, il y a, on évoque beaucoup de sujets, notamment tous ces sujets où, dans lesquels elle s'est engagée, tout son travail sur le respect de la dignité humaine, tout son travail dans les prisons, son travail pour l'Europe, bien sûr, et pour tout ce qu'elle a fait pour l'émancipation.